Section 24 de Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 8. Note. Ce livre a été écrit à Londres d'avril à septembre 1822. Il a été revu en décembre 1846. Fin de note. Literary Fund. Grenier de Holborn. Dépérissement de ma santé. Visite au médecin. Émigrés à Londres. Pelletier. Travaux littéraires. Ma société avec un gant. Nos promenades. Une nuit dans l'église de Westminster. Détresse. Secours imprévu. Logement sur un cimetière. Nouveaux camarades d'infortune. Nos plaisirs. Mon cousin de la Bouertardais. Fête somptueuse. Fin de mes 40 écus. Nouvelle détresse. Table d'hôte. Évêque. Dîner à London Tavern. Manuscrit de Camden. Mes occupations dans la province. Mort de mon frère. Malheur de ma famille. De France. Lettre de Hingant. Charlotte. Retour à Londres. Rencontre extraordinaire. Défaut de mon caractère. L'essai historique sur les révolutions. Son effet. Lettre de Lemière, neveu du poète. Fontane. Cléry. Il s'est formé à Londres une société pour venir au secours des gens de lettres, tant anglais qu'étrangers. Cette société m'a invité à sa réunion annuelle. Je me suis fait un devoir de m'y rendre et d'y porter ma souscription. Son Altesse Royale, le Duc d'York, occupait le fauteuil du président. À sa droite était le Duc de Somerset, les Lords Torrington et Bolton. Il m'a fait placer à sa gauche. J'ai rencontré là mon ami M. Canning. Le poète, l'orateur, le ministre illustre a prononcé un discours où se trouve ce passage trop honorable pour moi que les journaux ont répété. Quoique la personne de mon noble ami, l'ambassadeur de France, soit encore peu connue ici, son caractère et ses écrits sont bien connus de toute l'Europe. Il commença sa carrière par exposer les principes du christianisme, il l'a continué en défendant ceux de la monarchie, et maintenant il vient d'arriver dans ce pays pour unir les deux États par les liens communs des principes monarchiques et des vertus chrétiennes. Il y a bien des années que M. Canning, homme de lettres, s'instruisait à Londres aux leçons de la politique de M. Pitt. Il y a presque le même nombre d'années que je commençais à écrire obscurément dans cette même capitale de l'Angleterre. Tous les deux, arrivés à une haute fortune, nous voilà membres d'une société consacrée au soulagement des écrivains malheureux. Est-ce l'infinité de nos grandeurs ou le rapport de nos souffrances qui nous a réunis ici? Que ferait au banquet des muses affligées le gouverneur des Indes orientales et l'ambassadeur de France? C'est Georges Canning et François de Chateaubriand qui s'y sont assis, en souvenir de leur adversité et peut-être de leur félicité passée. Ils ont bu à la mémoire d'Homère, chantant ses vers pour un morceau de pain. Si le Literary Fund eût existé lorsque j'arrivais de Southampton à Londres le 21 mai 1793, il aurait peut-être payé la visite du médecin dans le grenier de Holborn, où mon cousin de la Bouertardais, fils de mon oncle de Bédé, me logea. On avait espéré merveille du changement d'air pour me rendre les forces nécessaires à la vie d'un soldat, mais ma santé, au lieu de se rétablir, déclina. Ma poitrine s'entreprit, j'étais maigre et pâle, je toussais fréquemment, je respirais avec peine. J'avais des sueurs et des crachements de sang. Mes amis, aussi pauvres que moi, me traînaient de médecin en médecin. Ces Hippocrates faisaient attendre cette bande de gueux à leur porte, puis me déclaraient au prix d'une guinée qu'il fallait prendre mon mal en patience, ajoutant « Tis done, dear sir, c'est fait, cher monsieur ». Le docteur Godwin, célèbre par ses expériences relatives aux noyés et faites sur sa propre personne d'après ses ordonnances, fut plus généreux. Il m'assista gratuitement de ses conseils. Mais il me dit, avec la dureté dont il usait pour lui-même, que je pourrais durer quelques mois, peut-être une ou deux années, pourvu que je renonçasse à toute fatigue. Ne comptez pas sur une longue carrière. Tel fut le résumé de ces consultations. La certitude acquise ainsi de ma fin prochaine, en augmentant le deuil naturel de mon imagination, me donna un incroyable repos d'esprit. Cette disposition intérieure explique un passage de la notice placée à la tête de l'essai historique. Note. D'ailleurs, ma santé, dérangée par de longs voyages, beaucoup de soucis, de veilles et d'études, est si déplorable que je crains de ne pouvoir remplir immédiatement la promesse que j'ai faite concernant les autres volumes de l'essai historique. Fin de note. Et cet autre passage de l'essai même, attaqué d'une maladie qui me laisse peu d'espoir, je vois les objets d'un œil tranquille. L'air calme de la tombe se fait sentir au voyageur qui n'en est plus qu'à quelques journées. L'amertume des réflexions répandues dans l'essai n'étonnera donc pas. C'est sous le coup d'un arrêt de mort, entre la sentence et l'exécution, que j'ai composé cet ouvrage. Un écrivain qui croyait toucher au terme, dans le dénuement de son exil, ne pouvait guère promener des regards riants sur le monde. Mais comment traverser le temps de grâce qui m'était accordé? J'aurais pu vivre ou mourir promptement de mon épée. On m'en interdisait l'usage. Que me restait-il? Une plume? Elle n'était ni connue ni éprouvée, et j'en ignorais la puissance. Le goût des lettres, inné en moi, des poésies de mon enfance, des ébauches de mes voyages, suffirait-il pour attirer l'attention du public? L'idée d'écrire un ouvrage sur les révolutions comparées m'était venue. Je m'en occupais dans ma tête comme d'un sujet plus approprié aux intérêts du jour. Mais qui se chargerait de l'impression d'un manuscrit sans preneur? Et pendant la composition de ce manuscrit, qui me nourrirait? Si je n'avais que peu de jours à passer sur la terre, force était néanmoins d'avoir quelques moyens de soutenir ce peu de jours. Mes 30 louis, déjà fort écornés, ne pouvaient aller bien loin. Et en surcroît de mes afflictions particulières, il me fallait supporter la détresse commune de l'émigration. Mes compagnons à Londres avaient tous des occupations. Les uns s'étaient mis dans le commerce du charbon, les autres faisaient, avec leurs femmes, des chapeaux de paille, les autres enseignaient le français qu'ils ne savaient pas. Ils étaient tous très gais. Le défaut de notre nation, la légèreté, s'était dans ce moment changé en vertu. On riait au nez de la fortune. Cette voleuse était toute penaude d'emporter ce qu'on ne lui redemandait pas. Pelletier, auteur du Domine Salvum Fagregem et principal rédacteur des Actes des Apôtres, continuait à Londres son entreprise de Paris. Il n'avait pas précisément de vice, mais il était rongé d'une vermine de petits défauts dont on ne pouvait l'épurer. Libertin, mauvais sujet, gagnant beaucoup d'argent et le mangeant de même, à la fois serviteur de la légitimité et ambassadeur du roi nègre Christophe auprès de Georges III, correspondant diplomatique de M. le comte de Limonade et buvant en vin de champagne les appointements qu'on lui payait en sucre. Cette espèce de monsieur Violet, jouant les grands airs de la Révolution sur un violon de poche, me vint voir et m'offrit ses services en qualité de breton. Je lui parlai de mon plan de l'essai. Il l'approuva fort. « Ce sera superbe » s'écria-t-il. Il me proposa une chambre chez son imprimeur, Bélis, lequel imprimerait l'ouvrage au fur et à mesure de la composition. Le libraire Deboeuf aurait la vente. Lui, Pelletier, emboucherait la trompette dans son journal L'Ambigu, tandis qu'on pourrait s'introduire dans le Courrier français de Londres, dont la rédaction passa bientôt à M. de Montlosier. Pelletier ne doutait de rien. Il parlait de me faire donner la croix de Saint-Louis pour mon siège de Thionville. Mon Gil Blas, grand, maigre, escalabreux, les cheveux poudrés, le front chauve, toujours criant et rigolant, met son chapeau rond sur l'oreille, me prend par le bras et me conduit chez l'imprimeur Bélis, où il me loue sans façon une chambre au prix d'une guinée par mois. J'étais en face de mon avenir doré, mais le présent, sur quelle planche le traverser? Pelletier me procura des traductions du latin et de l'anglais. Je travaillais le jour à ces traductions, la nuit à l'essai historique, dans lequel je faisais entrer une partie de mes voyages et de mes rêveries. Bélis me fournissait les livres et j'employais mal à propos quelques shillings à l'achat des bouquins étalés sur les échoppes. Un gant que j'avais rencontré sur le paquebot de Jersey s'était lié avec moi. Il cultivait les lettres, il était savant, écrivait en secret des romans dont il me lisait des pages. Il se logea assez près de Bélis au fond d'une rue qui donnait dans Holborn. Tous les matins, à 10 heures, je déjeunais avec lui. Nous parlions de politique et surtout de mes travaux. Je lui disais ce que j'avais bâti de mon édifice de nuit, l'essai, puis je retournais à mon œuvre de jour, les traductions. Nous nous réunissions pour dîner, un shilling par tête, dans un estaminet. De là, nous allions aux champs. Souvent aussi, nous nous promenions seuls, car nous aimions tous deux à rêvasser. Je dirigeais alors ma course à Kensington ou à Westminster. Kensington me plaisait. J'errais dans sa partie solitaire, tandis que la partie qui touchait à Hyde Park se couvrait d'une multitude brillante. Le contraste de mon indigence et de la richesse, de mon délaissement et de la foule, m'était agréable. Je voyais passer de loin les jeunes Anglaises avec cette confusion désireuse que me faisait éprouver autrefois ma Sylphide, lorsqu'après l'avoir parée de toutes mes folies, j'osais à peine lever les yeux sur mon ouvrage. La mort, à laquelle je croyais toucher, ajoutait un mystère à cette vision d'un monde dont j'étais presque sorti. S'est-il jamais attaché un regard sur l'étranger, assis au pied d'un pin? Quelle belle femme avait-elle deviné l'invisible présence de René? À Westminster, autre passe-temps. Dans ce labyrinthe de tombeaux, je pensais au mien, prêt à s'ouvrir. Le buste d'un homme inconnu comme moi ne prendrait jamais place au milieu de ces illustres effigies. Puis se montraient les sépulcres des monarques. Cromwell n'y était plus, et Charles Ier n'y était pas. Les cendres d'un traître, Robert d'Artois, reposaient sous les dalles que je pressais de mes pas fidèles. La destinée de Charles Ier venait de s'étendre sur Louis XVI. Chaque jour, le fer moissonnait en France, et les fosses de mes parents étaient déjà creusées. Les chants des maîtres de chapelle et les causeries des étrangers interrompaient mes réflexions. Je ne pouvais multiplier mes visites, car j'étais obligé de donner aux gardiens de ceux qui ne vivaient plus le shilling qui m'était nécessaire pour vivre. Mais alors je tournoyais au dehors de l'abbaye avec les corneilles, où je m'arrêtais à considérer les clochers, jumeaux de grandeur inégale, que le soleil couchant ensanglantait de ses feux sur la tenture noire des fumées de la cité. Une fois cependant, il arriva qu'ayant voulu contempler au jour tombé l'intérieur de la basilique, je m'oubliais dans l'admiration de cette architecture pleine de fougue et de caprice. Dominé par le sentiment de la vastité sombre des églises chrétiennes, Montaigne, j'errais à pas lents et je m'annuitais. On ferma les portes, j'essayais de trouver une issue, j'appelais le cher, je heurtais aux guettes. Tout ce bruit épandu et délayé dans le silence se perdit. Il fallut me résigner à coucher avec les défunts. Après avoir hésité dans le choix de mon gîte, je m'arrêtai près du mausolée de Lord Chatham, au bas du jubé et du double étage de la chapelle des Chevaliers et de Henri VII. À l'entrée de ces escaliers, de ces ailes fermées de grilles, un sarcophage engagé dans le mur, vis-à-vis d'une mort de marbre, armée de sa faux, m'offrit son abri. Le pli d'un linceul, également de marbre, me servit de niche. À l'exemple de Charles Quint, je m'habituais à mon enterrement. J'étais aux premières loges pour voir le monde tel qu'il est. Quel amas de grandeur renfermé sous ces dômes! Qu'en reste-t-il? Les afflictions ne sont pas moins vaines que les félicités. L'infortunée Jane Grey n'est pas différente de l'heureuse Alix de Salisbury. Son squelette est seulement moins horrible, parce qu'il est sans tête. Sa carcasse s'embellit de son supplice et de l'absence de ce qui fit sa beauté. Les tournois du vainqueur de Crécy, les jeux du camp du drap d'or de Henri VIII, ne recommenceront pas dans cette salle de spectacle funèbre. Bacon, Newton, Milton sont aussi profondément ensevelis, aussi passés à jamais que leurs plus obscurs contemporains. Moi, banni, vagabond, pauvre, consentirais-je à n'être plus la petite chose oubliée et douloureuse que je suis, pour avoir été un de ces morts fameux, puissants, rassasiés de plaisir? Oh, la vie n'est pas tout cela. Si du rivage de ce monde nous ne découvrons pas distinctement les choses divines, ne nous en étonnons pas. Le temps est un voile interposé entre nous et Dieu, comme notre paupière entre notre œil et la lumière. Tapis sous mon linge de marbre, je redescendis de ces hauts pensées aux impressions naïves du lieu et du moment. Mon anxiété mêlée de plaisir était analogue à celle que j'éprouvais l'hiver dans ma tourelle de Combourg lorsque j'écoutais le vent. Un souffle et une ombre sont de nature pareille. Peu à peu, m'accoutumant à l'obscurité, j'entrevis les figures placées au tombeau. Je regardais les encorbellements du Saint-Denis d'Angleterre, d'où l'on eût dit que descendaient en lampadaires gothiques les événements passés et les années qui furent. L'édifice entier était comme un temple monolithe de siècles pétrifiés. J'avais compté 10 heures, 11 heures à l'horloge. Le marteau qui se soulevait et retombait sur l'airain était le seul être vivant avec moi dans ces régions. Au dehors, une voiture roulante, le cri du watchman, voilà tout. Ces bruits lointains de la terre me parvenaient d'un monde dans un autre monde. Le brouillard de la Tamise et la fumée du charbon de terre s'infiltrèrent dans la basilique et y répandirent de secondes ténèbres. Enfin, un crépuscule s'épanouit dans un coin des ombres les plus éteintes. Je regardais fixement croître la lumière progressive. Émanait-elle des deux fils d'Édouard IV, assassinés par leur oncle ? Ces aimables enfants, dit le grand tragique, étaient couchés ensemble. Ils se tenaient entourés de leurs bras innocents et blancs comme l'albâtre. Leurs lèvres semblaient 4 roses vermeilles sur une seule tige, qui, dans tout l'éclat de leur beauté, se baisent l'une l'autre. Dieu ne m'envoya pas ces âmes tristes et charmantes, mais le léger fantôme d'une femme, à peine adolescente, parut, portant une lumière abritée dans une feuille de papier tournée en coquille. C'était la petite sonneuse de cloche. J'entendis le bruit d'un baiser, et la cloche tinta le point du jour. La sonneuse fut tout épouvantée lorsque je sortis avec elle par la porte du cloître. Je lui contai mon aventure. Elle me dit qu'elle était venue remplir les fonctions de son père malade. Nous ne parlâmes pas du baiser. J'amusai un gant de mon aventure, et nous fîmes le projet de nous enfermer à Westminster. Mais nos misères nous appelaient chez les morts d'une manière moins poétique. Mes fonds s'épuisaient. Bélis et de Boff s'étaient hasardés, moyennant un billet de remboursement en cas de non-vente, à commencer l'impression de l'essai. Là finissait leur générosité, et rien n'était plus naturel. Je m'étonne même de leur hardiesse. Les traductions ne venaient plus. Pelletier, homme de plaisir, s'ennuyait d'une obligeance prolongée. Il m'aurait bien donné ce qu'il avait s'il n'eût préféré le manger. Mais qu'étaient des travaux, ça et là, faire une bonne œuvre de patience, impossible à lui. Hingant voyait aussi s'amoindrir son trésor. Entre nous deux, nous ne possédions que 60 francs. Nous diminuâmes la ration de vivres comme sur un vaisseau lorsque la traversée se prolonge. Au lieu d'un shilling par tête, nous ne dépensions plus à dîner qu'un demi-shilling. Le matin, à notre thé, nous retranchâmes la moitié du pain et nous supprimâmes le beurre. Ces abstinences fatiguaient les nerfs de mon ami. Son esprit battait la campagne, il prêtait l'oreille et avait l'air d'écouter quelqu'un. En réponse, il éclatait de rire ou versait des larmes. Hingant croyait au magnétisme et s'était troublé la cervelle du galimatia de Swedenborg. Il me disait le matin qu'on lui avait fait du bruit la nuit. Il se fâchait si je lui niais ses imaginations. L'inquiétude qu'il me causait m'empêchait de sentir mes souffrances. Elles étaient grandes, pourtant. Cette diète rigoureuse, jointe au travail, échauffait ma poitrine malade. Je commençais à avoir de la peine à marcher, et néanmoins, je passais les jours et une partie des nuits, dehors, afin qu'on ne s'aperçût pas de ma détresse. Arrivés à notre dernier shilling, je convins avec mon ami de le garder pour faire semblant de déjeuner. Nous arrangeâmes que nous achèterions un pain de 2 sous et que nous nous laisserions servir comme de coutume l'eau chaude et la théière, que nous n'y mettrions point de thé, que nous ne mangerions pas le pain, mais que nous boirions l'eau chaude avec quelques petites miettes de sucre restées au fond du sucrier. 5 jours s'écoulèrent de la sorte. La faim me dévorait. J'étais brûlant. Le sommeil m'avait fui. Je suçais des morceaux de linge que je trempais dans de l'eau. Je mâchais de l'herbe et du papier. Quand je passais devant des boutiques de boulangers, mon tourment était horrible. Par une rude soirée d'hiver, je restais 2 heures planté devant un magasin de fruits secs et de viande fumée, avalant des yeux tout ce que je voyais. J'aurais mangé non seulement les comestibles, mais leurs boîtes, paniers et corbeilles. Le matin du 5e jour, tombant d'inanition, je me traîne chez Hingant. Je heurte à la porte, elle était fermée. J'appelle. Hingant est quelque temps sans répondre. Il se lève enfin et m'ouvre. Il riait d'un air égaré. Sa redingote était boutonnée, il s'assit devant la table à thé. « Notre déjeuner va venir !» me dit-il d'une voix extraordinaire. Je crus voir quelques taches de sang à sa chemise. Je déboutonne brusquement sa redingote. Il s'était donné un coup de canif profond de 2 pouces dans le bout du sein gauche. Je criai au secours. La servante alla chercher un chirurgien. La blessure était dangereuse. Ce nouveau malheur m'obligea de prendre un parti. Un gant, conseiller au Parlement de Bretagne, s'était refusé à recevoir le traitement que le gouvernement anglais accordait aux magistrats français, de même que je n'avais pas voulu accepter le shilling aumôné par jour aux émigrés. J'écrivis à M. de Barentin et lui révélai la situation de mon ami. Les parents de Hingant accoururent et l'emmenèrent à la campagne. Dans ce moment même, mon oncle de Bédé me fit parvenir 40 écus, oblation touchante de ma famille persécutée. Il me sembla voir tout l'or du Pérou. Le denier des prisonniers de France nourrit le français exilé. Ma misère avait mis obstacle à mon travail. Comme je ne fournissais plus de manuscrits, l'impression fut suspendue. Privé de la compagnie de Hingant, je ne gardais pas chez Bélis un logement d'une guinée par mois. Je payais le terme échu et m'en allais. Au-dessous des émigrés indigents qui m'avaient d'abord servi de patrons à Londres, il y en avait d'autres, plus nécessiteuses encore. Il est des degrés entre les pauvres comme entre les riches. On peut aller depuis l'homme qui se couvre l'hiver avec son chien jusqu'à celui qui grelotte dans ses haillons tailladés. Mes amis me trouvèrent une chambre mieux appropriée à ma fortune décroissante. On n'est pas toujours au comble de la prospérité. Ils m'installèrent aux environs de Marylebone Street, dans un garret dont la lucarne donnait sur un cimetière. Chaque nuit, la crécelle du watchman m'annonçait que l'on venait de voler des cadavres. J'eus la consolation d'apprendre que Hingant était hors de danger. Des camarades me visitaient dans mon atelier. À notre indépendance et à notre pauvreté, on nous eut pris pour des peintres sur les ruines de Rome. Nous étions des artistes en misère sur les ruines de la France. Ma figure servait de modèle et mon lit de siège à mes élèves. Ce lit consistait dans un matelas et une couverture. Je n'avais point de drap. Quand il faisait froid, mon habit et une chaise, ajoutées à ma couverture, me tenaient chaud. Trop faible pour remuer ma couche, elle restait comme Dieu me l'avait retournée. Mon cousin de la Boëtardais, chassé, faute de paiement, d'un taudis irlandais, quoiqu'il eût mis son violon en gage, vint chercher chez moi un abri contre le constable. Un vicaire bas-breton lui prêta un lit de sangle. La Boëtardais était, ainsi que Hingant, conseiller au Parlement de Bretagne. Il ne possédait pas un mouchoir pour s'envelopper la tête, mais il avait déserté avec armes et bagages, c'est-à-dire qu'il avait emporté son bonnet carré et sa robe rouge. Il couchait sous la pourpre à mes côtés. Facétieux, bon musicien, ayant la voix belle, quand nous ne dormions pas, il s'asseyait tout nu sur ses sangles, mettait son bonnet carré, et chantait des romances en s'accompagnant d'une guitare qui n'avait que 3 cordes. Une nuit que le pauvre garçon fredonnait ainsi l'hymne à Vénus de Métastase, Scandi Propizia, il fut frappé d'un vent coulis. La bouche lui tourna et il en mourut, mais pas tout de suite, car je lui frottais cordialement la joue. Nous tenions des conseils dans notre chambre haute, nous raisonnions sur la politique, nous nous occupions des cancans de l'émigration. Le soir, nous allions chez nos tantes et cousines danser après les modes enrubanées et les chapeaux faits. Ceux qui lisent cette partie de mes mémoires ne se sont pas aperçus que je les ai interrompus 2 fois. Une fois pour offrir un grand dîner au duc d'York, frère du roi d'Angleterre. Une autre fois pour donner une fête pour l'anniversaire de la rentrée du roi de France, à Paris, le 8 juillet. Cette fête m'a coûté 40 000 francs. Les pères et les pairesses de l'Empire britannique, les ambassadeurs, les étrangers de distinction, ont rempli mes salons magnifiquement décorés. Mes tables étincelaient de l'éclat des cristaux de Londres et de l'or des porcelaines de Sèvres. Ce qu'il y a de plus délicat en mets, vins et fleurs abondait. Portland Place était encombré de brillantes voitures. Collinet et la musique d'Almax enchantaient la mélancolie fashionable des dandies, et les élégances rêveuses des ladies pensivement dansantes. L'opposition et la majorité ministérielle avaient fait trêve. Lady Canning causait avec Lord Londonderry, Lady Jersey avec le duc de Wellington. « Monsieur, qui m'a fait faire cette année des compliments de mes somptuosités de 1822, ne savait pas, en 1793, qu'il existait non loin de lui un futur ministre, lequel, en attendant ses grandeurs, jeûnait au-dessus d'un cimetière pour pécher de fidélité. Je me félicite aujourd'hui d'avoir essayé du naufrage, entrevu la guerre, partagé les souffrances des classes les plus humbles de la société, comme je m'applaudis d'avoir rencontré dans les temps de prospérité l'injustice et la calomnie. J'ai profité à ces leçons. La vie sans les mots qui la rendent grave est un hochet d'enfant. J'étais l'homme aux 40 écus, mais le niveau des fortunes n'étant pas encore établi et les denrées n'ayant pas baissé de valeur, rien ne fit contrepoids à ma bourse qui se vida. Je ne devais pas compter sur de nouveaux secours de ma famille, exposée en Bretagne au double fléau de la chouannerie et de la terreur. Je ne voyais plus devant moi que l'hôpital ou la Tamise. Les domestiques d'émigrés que leur maître ne pouvait plus nourrir s'étaient transformés en restaurateurs pour nourrir leur maître. Dieu sait la chère que l'on faisait à ces tables d'hôtes. Dieu sait aussi la politique qu'on y entendait. Toutes les victoires de la République étaient métamorphosées en défaites. Et si par hasard on doutait d'une restauration immédiate, on était déclaré jacobin. Deux vieux évêques qui avaient un faux air de la mort se promenaient au printemps dans le parc Saint-James. « Monseigneur, disait l'un, croyez-vous que nous soyons en France au mois de juin ? Mais, monseigneur, répondait l'autre, après avoir mûrement réfléchi, je n'y vois pas d'inconvénient. » L'homme aux ressources, Pelletier, me déterra, ou plutôt me dénicha dans mon air. Il avait lu dans un journal de Yarmouth qu'une société d'antiquaires s'allait occuper d'une histoire du comté de Suffolk et qu'on demandait un Français capable de déchiffrer des manuscrits français du XIIe siècle de la collection de Camden. Le parson, ou ministre de Beccles, était à la tête de l'entreprise. C'était à lui qu'il se fallait adresser. « Voilà votre affaire, me dit Pelletier. Partez, vous déchiffrerez ces vieilles paperasses. » Vous continuerez à envoyer de la copie de l'essai à Baylis. Je forcerai ce pleutre à reprendre son impression. Vous reviendrez à Londres avec 200 guinées, votre ouvrage fait, et vogue la galère. Je voulus balbutier quelques objections. Eh, que diable ! S'écria mon homme. Comptez-vous rester dans ce palais où j'ai déjà un froid horrible ? Si Rivarol, Chansonnet, Mirabeau Tonneau et moi avions eu la bouche en cœur, nous aurions fait de belles besognes dans les actes des apôtres. Savez-vous que cette histoire de Hingant fait un boucan d'enfer ? Vous vouliez donc vous laisser mourir de faim tous deux ? Ha ha ha ! Pouf ! Ha ha ! Pelletier, plié en deux, se tenait les genoux à force de rire. Il venait de placer 100 exemplaires de son journal aux colonies. Il en avait reçu le paiement et faisait sonner ses guinées dans sa poche. Il m'emmena de force avec la Boitardais apoplectique et deux émigrés en guenilles qui se trouvèrent sous sa main dîner à London Tavern. Il nous fit boire du vin de Porto, manger du roast beef et du plum pudding à en crever. « Comment, monsieur le comte, disait-il à mon cousin, avez-vous ainsi la gueule de travers ?» La Boitardais, moitié choquée, moitié content, expliquait la chose de son mieux. Il racontait qu'il avait été tout à coup saisi, en chantant ces deux mots, « Ô Belia vénéré !» Mon pauvre paralysé avait un air si mort, si transi, si râpé, en barbouillant sa Belia vénéré, que Pelletier se renversa d'un fou rire et pensa culbuter la table, en la frappant en dessous de ses deux pieds. À la réflexion, le conseil de mon compatriote, vrai personnage de mon autre compatriote, le sage, ne me parut pas si mauvais. Au bout de 3 jours d'enquête, après m'être fait habiller par le tailleur de Pelletier, je partis pour Beccles avec quelque argent que me prêta Deboeuf sur l'assurance de ma reprise de l'essai. Je changeai mon nom, qu'aucun Anglais ne pouvait prononcer, en celui de Combourg, qu'avait porté mon frère, et qui me rappelait les peines et les plaisirs de ma première jeunesse. Descendu à l'auberge, je présentai au ministre du lieu une lettre de Deboeuf, fort estimée dans la librairie anglaise, laquelle lettre me recommandait comme un savant du premier ordre. Parfaitement accueilli, je vis tous les gentlemen du canton et je rencontrai 2 officiers de notre marine royale qui donnaient des leçons de français dans le voisinage. Je repris des forces. Les courses que je faisais à cheval me rendirent un peu de santé. L'Angleterre, vue ainsi en détail, était triste mais charmante. Partout la même chose et le même aspect. Monsieur de Combourg était invité à toutes les parties. Je dus à l'étude le premier adoucissement de mon sort. Cicéron avait raison de recommander le commerce des lettres dans les chagrins de la vie. Les femmes étaient charmées de rencontrer un Français pour parler français. Les malheurs de ma famille, que j'appris par les journaux et qui me firent connaître sous mon véritable nom, car je ne pus cacher ma douleur, augmentèrent à mon égard l'intérêt de la société. Les feuilles publiques annoncèrent la mort de M. de Malesherbes, celle de sa fille, Mme la présidente de Rosambeau, celle de sa petite-fille, Mme la comtesse de Chateaubriand, et celle de son petit gendre, le comte de Chateaubriand, mon frère, immolés ensemble, le même jour, à la même heure, au même échafaud. Note. Le 3 Floréal en 2, 22 avril 1794. Fin de note. M. de Malesherbes était l'objet de l'admiration et de la vénération des Anglais. Mon alliance de famille avec le défenseur de Louis XVI ajouta à la bienveillance de mes hôtes. Mon oncle de Bédé me manda les persécutions éprouvées par le reste de mes parents. Ma vieille et incomparable mère avait été jetée dans une charrette avec d'autres victimes et conduite du fond de la Bretagne dans les geôles de Paris, afin de partager le sort du fils qu'elle avait tant aimé. Ma femme et ma sœur Lucille, dans les cachots de Rennes, attendaient leur sentence. Il avait été question de les enfermer au château de Combourg, devenu forteresse d'État. On accusait leur innocence du crime de mon émigration. Qu'était-ce que nos chagrins en terre étrangère, comparés à ceux des Français demeurés dans leur patrie? Et pourtant, quel malheur, au milieu des souffrances de l'exil, de savoir que notre exil même devenait le prétexte de la persécution de nos proches. Il y a 2 ans que l'anneau de mariage de ma belle-sœur fut ramassé dans le ruisseau de la rue Cassette. On me l'apporta. Il était brisé. Les 2 cerceaux de l'alliance étaient ouverts, et pendaient, enlacés l'un à l'autre, les noms s'y lisaient parfaitement gravés. Comment cette bague s'était-elle retrouvée? Dans quel lieu et quand avait-elle été perdue? La victime emprisonnée au Luxembourg avait-elle passé par la rue de Cassette en allant au supplice? Avait-elle laissé tomber la bague du haut du tombereau? Cette bague avait-elle été arrachée de son doigt après l'exécution? Je fus tout saisi à la vue de ce symbole qui, par sa brisure et son inscription, me rappelait de si cruelle destinée. Quelque chose de mystérieux et de fatal s'attachait à cet anneau que ma belle-sœur semblait m'envoyer du séjour des morts en mémoire d'elle et de mon frère. Je l'ai remis à son fils, puisse-t-il ne pas lui porter malheur. Cher orphelin, image de ta mère, au ciel pour toi, je demande ici-bas les jours heureux retranchés à ton père et les enfants que ton oncle n'a pas. Ce mauvais couplet et 2 ou 3 autres sont le seul présent que j'ai pu faire à mon neveu lorsqu'il s'est marié. Un autre monument m'est resté de ses malheurs. Voici ce que m'écrit M. de Contencin, qui, en fouillant dans les archives de la ville, a trouvé l'ordre du tribunal révolutionnaire qui envoyait mon frère et sa famille à l'échafaud. Monsieur le vicomte, il y a une sorte de cruauté à réveiller dans une âme qui a beaucoup souffert le souvenir des maux qui l'ont affecté le plus douloureusement. Cette pensée m'a fait hésiter quelque temps à vous offrir un bien triste document qui, dans mes recherches historiques, m'est tombé sous la main. C'est un acte de décès signé avant la mort par un homme qui s'est toujours montré implacable comme elle, toutes les fois qu'il a trouvé réunis sur la même tête l'illustration et la vertu. Je désire, monsieur le vicomte, que vous ne me sachiez pas trop mauvais gré d'ajouter à vos archives de famille un titre qui rappelle de si cruels souvenirs. J'ai supposé qu'il aurait de l'intérêt pour vous, puisqu'il avait du prix à mes yeux, et dès lors j'ai songé à vous l'offrir. Si je ne suis point indiscret, je m'en féliciterai doublement, car je trouve aujourd'hui dans ma démarche l'occasion de vous exprimer les sentiments de profond respect et d'admiration sincère que vous m'avez inspirés depuis longtemps, et avec lesquels je suis, monsieur le vicomte, votre très humble et très obéissant serviteur. A. de Contencin, hôtel de la préfecture de la Seine, Paris, le 28 mars 1835. Voici ma réponse à cette lettre. J'avais fait, monsieur, chercher à la Sainte-Chapelle les pièces du procès de mon malheureux frère et de sa femme, mais on n'avait pas trouvé l'ordre que vous avez bien voulu m'envoyer. Cet ordre et tant d'autres, avec leurs ratures, leurs noms estropiés, auront été présentés à Fouquier, au tribunal de Dieu. Il lui aura bien fallu reconnaître sa signature. Voilà les temps qu'on regrette et sur lesquels on a écrit des volumes d'admiration. Au surplus, j'envie mon frère. Depuis longues années, du moins, il a quitté ce triste monde. Je vous remercie infiniment, monsieur, de l'estime que vous voulez bien me témoigner dans votre belle et noble lettre, et vous prie d'agréer l'assurance de la considération très distinguée avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc. Cet ordre de mort est surtout remarquable par les preuves de la légèreté avec laquelle les meurtres étaient commis. Des noms sont mal orthographiés, d'autres sont effacés. Ces défauts de forme, qui auraient suffi pour annuler la plus simple sentence, n'arrêtaient point les bourreaux. Ils ne tenaient qu'à l'heure exacte de la mort, à 5 heures précises. Voici la pièce authentique, je la copie fidèlement. Exécuteur des jugements criminels, tribunal révolutionnaire. L'exécuteur des jugements criminels ne fera faute de se rendre à la maison de justice de la conciergerie, pour y mettre à exécution le jugement qui condamne Mousset, Desprémenil, Chapelier, Touret, elle, Lamoignon Malzerbe, la femme Lepelletier Rosambeau, Château Briand et sa femme, le nom propre effacé, illisible, la veuve du Châtelet, la femme de Gramont, ci-devant Duc, la femme Rochechouart, Rochechouart et Parmentier, 14, à la peine de mort. L'exécution aura lieu aujourd'hui à 5 heures précises, sur la place de la Révolution de cette ville. L'accusateur public, H.Q. Fouquier. Fait au tribunal le 3 Floréal, l'an 2 de la République française. 2 voitures. Le 9 Thermidor sauva les jours de ma mère, mais elle fut oubliée à la conciergerie. Le commissaire conventionnel la trouva. « Que fais-tu là, citoyenne ? » lui dit-il. « Qui es-tu ? Pourquoi restes-tu ici ?» Ma mère répondit qu'ayant perdu son fils, elle ne s'informait point de ce qui se passait et qu'il lui était indifférent de mourir dans la prison ou ailleurs. « Mais tu as peut-être d'autres enfants, » répliqua le commissaire. Ma mère nomma ma femme et mes sœurs détenues à Rennes. L'ordre fut expédié de mettre celle-ci en liberté et l'on contraignit ma mère de sortir. Fin de la section 24.